franceinter.fr. Affaire sensible, la fiction. Aujourd'hui, Alice Daumont, que la douleur ne me soit pas indifférente. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Julien Barazer, réalisée par Michel Sidorov. Argentine, le 24 mars 1976. Par un coup d'État, une junte militaire prend le pouvoir. À sa tête, le général Videla. Pendant 8 ans, jusqu'en 1983, 4 juntes militaires se succéderont. Toutes instaureront un régime dictatorial basé sur l'ordre, la morale et l'autorité. Basé aussi sur la terreur. Pendant ces 8 années, la dictature argentine fait disparaître 30 000 personnes, en fusille 15 000. On compte 9 000 prisonniers politiques et 1,5 million d'exilés pour 30 millions d'habitants. 20 Français ont disparu pendant ces années noires, dont Alice Daumont. Alice Daumont est née dans une famille paysanne du Doubs. Elle a fait partie des Sœurs des Missions étrangères. En 1967, elle commence sa mission en Argentine, engagée auprès des populations les plus démunies à Buenos Aires. Elle travaille comme femme de ménage, puis comme ouvrière agricole. Informée très tôt des premières disparitions, elle va soutenir les maires de la place de Mai dans leur combat pour retrouver les premiers disparus. Le 8 décembre 1977, elle est arrêtée et séquestrée dans l'un des camps clandestins de la dictature, la sinistre école mécanique de la marine. Elle sera torturée plusieurs jours, puis prendra place dans l'un des vols dits de la mort. Comme beaucoup d'autres, elle sera jetée d'un avion dans le Rio de la Plata, le fleuve qui sépare l'Argentine de l'Uruguay. Son corps n'a jamais été retrouvé. Elle avait 40 ans lors de son arrestation. L'autre personnage de cette fiction se nomme Alfredo Astiz. Surnommé l'ange blond de la mort, il est un lieutenant de l'armée argentine. En mai 1977, il a 26 ans et il a pour mission d'infiltrer le groupe des maires de la place de Mai. Cet homme est à l'origine de l'arrestation et du meurtre d'Alice Daumont. Il sera son bourreau. Il faudra attendre 2011 pour qu'Alfredo Astiz soit enfin condamné à perpétuité par un tribunal argentin pour ses nombreux crimes. Cette fiction est la 5e et dernière d'une série écrite par de jeunes scénaristes de la FEMIS pour Affaires Sensibles. Tout au long du mois de mars, nous avons diffusé en effet les vendredis des fictions écrites par ces jeunes auteurs de cette grande école de cinéma qui partagent avec nous la même passion pour la radio. Après la fiction, nous continuerons de questionner cette période noire de l'histoire argentine et nous essaierons de comprendre pourquoi et comment un pays et des hommes instaurent de cette façon un régime d'horreur. Nous aurons pour en parler 2 invités, Gabrielle Laya, la sœur cadette d'Alice Daumont, et Éric Dobergue, qui intervient de Buenos Aires, où il est journaliste et correspondant du journal La Croix. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Solo le pido a Dios. León Gieco. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Alice Daumont, que la douleur ne me soit pas indifférente, de Julien Barazer. Une réalisation de Michel Sidorov. Nous sommes au mois de décembre 1977 à Buenos Aires. C'est la fin du printemps. L'air est chaud et humide. L'Argentine vit sous le régime national catholique du général Videla, qui souhaite rétablir l'ordre moral chrétien. Depuis son coup d'État en 1976, la répression est violente et de nombreuses personnes disparaissent, principalement des opposants au régime, de jeunes gens, marxistes et progressistes. Très vite, les maires des disparus décident de se rassembler sur la place de Mai à Buenos Aires, face à la Casa Rosada, le palais présidentiel. Chaque jeudi, elles protestent et réclament que la vérité soit faite sur les disparitions en interpellant directement le dictateur Videla. Elles se réunissent et tournent autour de la place dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme pour remonter le temps. Il leur était interdit de rester statiques sous peine d'être arrêtés. Les militaires au pouvoir les traitent de folles. Ils ne se sont pas méfiés d'elles, car elles n'étaient que des femmes. Et pourtant, c'est grâce à ces femmes, à leur solidarité et au combat obstiné qu'elles ont mené pour la mémoire et la justice, que le monde a pu prendre connaissance de ce qu'il se passait en Argentine. Entre le 8 et le 10 décembre 1977, les militaires ont arrêté et séquestré 12 des fondatrices des Mères de la Place de Mai, ainsi qu'Alice Daumont et Léonie Duquet, des sœurs catholiques françaises des missions étrangères. 25 mars 1977, Buenos Aires, 2h du matin. Si une propagande écrasante, reflet déformé de faits néfastes, ne prétendait pas que cette junte cherche la paix, que le général Videla défend les droits de l'homme, ou que l'amiral Massera aime la vie, on pourrait encore demander à messieurs les commandants en chef des trois armes de méditer sur l'abîme où ils conduisent le pays en poursuivant l'illusion de gagner une guerre. Guerre qui, même s'ils tuaient le dernier guerrillero, ne ferait que recommencer sous de nouvelles formes. Parce que les causes qui, depuis plus de 20 ans, motivent la résistance du peuple argentin ne vont pas disparaître. Elles seront aggravées par le souvenir des ravages perpétrés et la révélation des atrocités commises. Rodolfo, il est tard. Tu veux pas venir te coucher ? J'ai presque terminé. J'ai préparé les enveloppes. Demain, il n'y aura plus qu'à les envoyer à toutes les rédactions du pays. J'en posterai la moitié. Tu as chargé ton revolver ? Oui, comme tous les soirs. Après ça, ils ne vont plus te lâcher. Ils sont déjà après moi. Le pire, ce serait de ne rien faire. Te amo, cariño. Il est chaud, avance. Mars 1977, Buenos Aires, 14h. Rodolfo, mira, vea. Mira qué buena que está esa, la morocha. Sí, lindo culito tiene la gordita. Mira, es un pan dulce. Che, jefe, que era por acá, ¿no? Me parece que estamos llegando, jefe. ¿Cómo es el tipo este que estamos mira, buscando, jefe? Mira, cállate. Dans la voiture, là, devant. C'est lui. C'est Rodolfo Walsh. ¿Estás seguro? ¡Accélère! Tenez-vous prêt. Il est armé. Il est armé. Il est touché. Il est touché. Attrapez-le. Mettez-le dans le coffre. Quieto. Uy, lo que encontramos acá. Una cartita de los Reyes Magos. Atis, viens voir. Vous trouvez quelque chose? Une lettre. Il a rédigé. Il s'adresse à la junte militaire. Voir. Lettre ouverte d'un écrivain à la junte militaire. La censure de la presse, la persécution des intellectuels, la perquisition dans ma maison sur le Tigre, l'assassinat d'amis chers et la perte d'une fille qui est morte en vous combattant sont quelques-uns des faits qui m'obligent à cette forme d'expression clandestine. Après avoir librement donné mon opinion comme écrivain et journaliste pendant presque 30 ans... Et il y en a même plusieurs exemplaires. Embarque tout. Subversivo de mierda. On va aller chez lui, il faut détruire chaque exemplaire. Ce torchon ne doit jamais être publié. Comunista de mierda. Décembre 1977, 20h, avenue Independencia à Buenos Aires. Gustavo! Estoy aquí, Gustavo. Niño, vieni. Sœur Cathy. Je suis désolé, mon bus a eu du retard. Je pensais te retrouver à l'église avec les autres. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais pour toi, alors je suis venue. Les rues sont de moins en moins sûres. Les enlèvements se multiplient et ce sont surtout les jeunes gens comme toi qu'ils arrêtent. Je me suis dit qu'avec une nonne à tes côtés, ils ne tenteraient rien. Viens, ne restons pas ici. Allons rejoindre Teresa et les autres. Merci d'être venu me chercher. Et merci aussi pour tout ce que vous faites pour moi. Sans toi, Léonie et les maires de la place de Mai, j'aurais abandonné mes recherches. Certains matins, je n'y crois plus du tout. Je me dis que je ne reverrai plus jamais mon frère et que tout cela ne sert à rien. Mais quand je vous vois, ça me donne de la force. Je ne sais pas où il est, ni s'il est encore en vie, et je ne le saurai peut-être jamais, mais je dois savoir ce qui lui est arrivé. Sinon, je vais devenir fou. Je sais à quel point c'est éprouvant. Nous vivons une période effroyable et nous souffrons beaucoup. Mais on ne doit pas abandonner. Le plus important, c'est d'être ensemble, unis par l'amour que nous nous portons les uns les autres et l'espérance de retrouver tous ceux qui ont disparu. C'est cet amour de l'autre qui doit nous guider et donner du sens à nos vies. Des temps meilleurs viendront, mais en attendant, il faut être fort et lutter. J'admire ton courage. Tu n'as jamais eu envie de laisser tout ça derrière toi ? De rentrer chez toi, en France ? Non, jamais. Ma place est ici, auprès de vous. Je suis convaincue que je suis dans le droit chemin. La persécution s'amplifie chaque jour, c'est une sale guerre et je ne sais pas jusqu'où cela ira. Mais je suis prête à donner ma vie s'il le faut. Chacun doit faire ce qu'il peut pour mettre un terme à toutes ces horreurs. Tiens, je t'ai apporté la lettre de Rodolfo Walsh, comme tu me l'as demandé. Fais attention, si on te trouve avec cette lettre sur toi, tu seras arrêté sur le champ. Aucun journal n'a jamais osé publier son texte. On se le passe sous le manteau pour alerter les gens, qu'ils comprennent le projet sinistre de la junte. Dépêchons-nous, la messe va commencer. Église de Santa Cruz. Cathy, Gustavo, approchez, venez. J'ai gardé une place. Buenas noches, cariño. Bonsoir, Teresa. Merci. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. L'enquête que nous avons rédigée et co-signée ensemble sera publiée dans 2 jours dans le journal La Nation. On a reçu la confirmation ce matin. Vraiment ? Ils ont accepté de publier le texte ? Oui, ils vont le publier tel quel, avec son titre. Pour un Noël en paix, nous demandons seulement la vérité. Ils vont aussi publier la liste des disparus. Après cela, plus personne ne pourra dire « je ne savais pas », ni les militaires au pouvoir, ni le juge corrompu, ni l'église complice qui n'a depuis le début que des prières et des larmes à nous offrir. Pardon, Cathy, je ne dis pas ça pour toi ni pour la Santa Cruz qui nous a toujours soutenus. Oh, je sais très bien que tout un secteur de l'église nie ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai choisi d'agir. Comment peuvent-ils rester silencieux ? Ce silence est criminel. Avec cette publication, ce silence va faire beaucoup de bruit. Tu verras, Cathy, ils en auront honte. Je suis peut-être trop enthousiaste. Je sais bien que notre combat sera encore long, mais cette annonce dans le journal, c'est tout de même le début de quelque chose. Un pas vers la vérité. Je souhaite que plus une seule mère n'ait à souffrir de rester sans nouvelles de son enfant. Je sais trop bien ce que c'est. Les heures d'attente dans le commissariat avec le désespoir et l'inquiétude vissée aux tripes. Les réponses qui ne nous donnent jamais ou alors leurs mensonges. Quand ma fille Anna Maria a disparu, ils m'ont dit qu'elle avait rejoint un réseau de prostitution. Ils s'inventaient tout et n'importe quoi pour me décourager. Mais j'ai tenu bon, je n'ai rien lâché. Quand ils l'ont libérée, je ne sais pas par quel miracle. Je me suis promis de tout faire pour que tous les autres le soient aussi. Je me bats pour eux. Je me bats pour ton frère, Gustavo. Merci, Teresa. Ça me touche énormément, ce que tu dis. Je n'arrêterai pas de me battre jusqu'à ce qu'ils soient tous retrouvés. On continuera chaque jeudi à nous rendre sur la place des Mai pour exiger des réponses. Ils nous traitent de folles. Mais c'est nous qui allons faire plier cette dictature. On mettra les militaires à genoux. À la fin de la messe, avec Marie, Angela, Gabriel, Raquel et Patricia, nous allons faire la quête. Avec cet argent, nous pourrons financer l'encart dans les journaux. C'est la dernière étape. On s'en prépare. Pues me voy a ir corriendo a mi casa porque la verdad es que no. ¿Compraste los regalos? Los regalos, sí, claro. Tiens, Marie, je te remets l'argent de la quête. Il y en a suffisamment pour la publication. Mes amis, soyons vigilants dans les jours qui viennent et surtout après l'apparition du journal. Je vous en supplie, restons en contact les uns avec les autres. Restons unis. Partez par petits groupes et surtout ne marchez pas seuls dans la rue. Cathy, merci encore pour tout ce que vous faites pour nous, toi et Léonie. Tu ne peux pas savoir à quel point ça nous porte d'avoir des vraies religieuses à nos côtés. Je ne pourrais pas être ailleurs. Et Léonie te dira la même chose quand tu la verras. Elle sera très émue quand je vais lui annoncer la nouvelle. Oui, embrasse-la fort pour moi. Pour nous tous. Tu raccompagnes Gustavo ? Non, ce n'est pas la peine, je dois filer. Je suis déjà très en retard. Ne vous inquiétez pas, je ferai très attention. Je peux vous embrasser avant de partir ? Mais bien sûr. Comment te refuser quoi que ce soit ? Tu es notre ange blond. Tu vas au commissariat plus tard ? Si tu le souhaites, je peux t'accompagner. C'est toujours moins difficile quand on est plusieurs. Non, c'est gentil. Mais ce soir, je dois m'occuper de ma mère. Elle est encore très malade et souffre beaucoup de l'absence de mon frère. Tu es tellement bonne avec moi, sœur Cathy. Je ne sais pas comment je pourrais te rendre tout cet amour. Va, Nino, et fais très attention à toi. Allez, ne traînons pas, allons-nous-en. Pardon, si. Les militaires, ils viennent pour nous. Non, mais pourquoi ? Que personne ne bouge. Ne craignez rien, c'est une opération de police. Bueno, tranquille, tout le monde contre la pared, por favor. Tout ira bien si vous faites ce qu'on vous dit. Allez, tchao. Venga, señora, por favor. Venga. Embarquez-moi celle-là. Tranquille, por favor. Vamos. Celle-là, allez. Usted, señora, venga por acá. Me sigue, por favor. Celui-là, vous le prenez aussi, vamos. Vamos, vamos, vamos. Lâchez-moi, señora. Vous n'avez pas les droits. Les quatre là, les quatre vamos. Là. Allez, on les embarque. Cachate, vamos. Ils nous enlèvent, ne restez pas comme ça. Ne les laissez pas nous emmener. Cachate, ne vous inquiétez pas, c'est une opération anti-drogue. Nous avons arrêté les suspects, vous ne craignez rien. Vamos. Une opération anti-drogue, c'est une mensonge. Les gens nous connaissent ici. Ils savent que vous mentez. Allez prévenir le maire, Hitler, que nous enlève. Aïe, Teresa, ne résiste pas, ils vont te tuer. Allez, avancez. Cachate, cachate, vamos. Cachate, loca de mierda. Venez para acá. Pero la puta que lo parió. Décembre 1977, Buenos Aires, école de mécanique de la marine. Non, ne m'attachez pas. Silencio. Si tu parles encore, ou si tu bouges, tu repars avec nous. Compris? Avec la jeune, il se marre en me disant qu'elle vient de France comme moi. n'en peux plus. Cathy. Cathy, je t'en supplie. Arrête de crier. Tu vas le faire revenir. Calme-toi. Respire. Fais quoi? Écoute. Tu entends les voitures dehors? Tu entends les bruits de la ville? Concentre-toi là-dessus. Nous sommes en train de crever ici. Et la vie continue au dehors. Sans que personne ne sache ce qui se passe ici. Chut. Cathy, s'il te plaît, arrête. Pense aux mères. Elles se rendent toujours sur la place de mai. Elles marchent pour nous. Elles luttent pour nous comme nous savons lutter pour ceux qui sont ici avec nous. Oui. Ça me fait du bien de penser à elles. Elles sont peut-être 1000 maintenant. Il faut garder l'espoir, Cathy. Bueno, chica, vamos. ¿Qué pasa acá, carajo? Vamos. No, yo no te ¡Cállate! No. ¡Cállate, carajo! ¡Il s'est calmé! ¡Il est calme! Ferme-la si tu veux pas qu'on t'embarque aussi, hein. Vení, vamos a jugar un poquito. Vamos, vamos, vamos. Yo cállate. Buenos Aires, école de mécanique de la marine. J'entends ta respiration. Si tu es là pour me frapper, sache qu'il ne me reste pas même un centimètre de peau qui n'ait été battue, fouettée, brûlée, humiliée, salie. Mon corps n'est plus que souffrance. J'entends ta respiration. Je ne sais plus depuis combien de temps je suis assise sur cette chaise. Il fait nuit à chaque instant avec ce bandeau que vous m'avez mis sur les yeux. Fermez-la. Elle est donc là, celle que tout le monde recherche. Tu nous causes bien des emmerdes, vieille folle. Je reconnais ta voix. Oh non, tu ne me connais pas. Je suis le commandant Alfredo Astis, et c'est le dernier nom que tu entendras dans ta misérable vie. Tu as la même voix qu'un beau jeune homme que je connais. Un ange, blond, doux et gentil, que j'ai eu la chance de rencontrer. Ne te fatigue pas à parler. Tu as la bouche sèche? J'ai de l'eau pour toi si tu veux. Mais d'abord, tu vas faire quelque chose pour moi. Je vais retirer ton bandeau, mais si tu lèves les yeux sur nous, si tu te retournes ou si tu touches au verre d'eau sur la table, je t'abats immédiatement. Tu m'as compris? Oui. Non, ne parle pas. Un signe de tête suffira. Prends le crayon et écris sur la feuille de papier. Révérend Père Guyot, ici, je suis en bonne santé. Mes mains tremblent. Je n'arrive pas à écrire. Concentre-toi. Je vais t'aider. Reprends. Ici, je suis en bonne santé. Et dans une situation de prisonnière. Par les montoneros. La raison de ma lettre est la suivante. Ce groupe de personnes demande que vous fassiez pression sur le gouvernement argentin pour que celui-ci libère 20 prisonniers politiques pour le 24 décembre, jour de Noël. Voilà. Et signe la lettre. Pourquoi tu signes Sœur Cathy? Tu n'es pas Sœur Cathy. Tu es Alice Daumont, une terroriste, une subversive travestie en nonne. Oui, oui, je suis Alice Daumont. Je suis française. J'ai grandi dans le Doubs, dans un petit village. C'est là que vit ma famille, mon père Antoine, ma mère Juliette et mes 5 frères et sœurs. Pour eux, je suis Lisette, leur Lisette. À 20 ans, je suis entrée dans les ordres. C'est là que je suis devenue sœur Cathy, en rejoignant la congrégation des missions étrangères de Notre-Dame de la Motte. La congrégation que tu as quittée l'an dernier pour rejoindre le mouvement œcuménique des droits de l'homme, ce repère d'opposants au régime, de subversifs, les ennemis de la nation. Tu aurais dû rester en France, regarde où ça t'a mené. Non. Si c'était à refaire, je ne changerais rien. Le plus triste serait de ne pas s'engager par peur. Ou bien parce qu'on n'en a pas l'habitude. J'ai quitté la France, animée par un désir d'entraide, de solidarité, de fraternité. Moi, je voulais aider les plus démunis, m'engager auprès d'eux, me rendre utile pour ceux qui en avaient le plus besoin. Quand ils m'ont annoncé que j'allais partir en Argentine, j'ai ressenti une immense joie et déjà de l'amour pour ce pays et tous ces gens que je ne connaissais pas encore. Je me revois dans la cour de l'Institut des Sœurs des Missions étrangères. Mon cœur battait fort et je chantais comme une promesse. Partez, amis, adieu pour cette vie. Portez au loin le nom de notre Dieu. Comment as-tu prononcé le nom de Dieu? Dans ta bouche, c'est une insulte. Remets-lui le bandeau. Vous n'allez jamais nous libérer, n'est-ce pas? Ni moi, ni personne. Non, on ne va libérer personne et on va continuer à s'amuser avec vous comme bon nous semble. De toi, il ne restera rien. Tu disparaîtras comme tous les autres. Et on continuera jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Il en restera toujours pour se rappeler. Notre mémoire et notre solidarité jouent contre vous. On ne nous oubliera pas. Nous, les disparus, nous serons toujours présents. Il y aura toujours une mère, un père, une grand-mère, un frère, une sœur, une fille, un ami pour nous chercher. Nous sommes reliés les uns aux autres. Les mères continueront à marcher sur la place de Mai et elles vous mettront à genoux. Merci pour la lettre. Je la ramène avec les autres. Non, non, torture-la encore. Fais ce qu'il faut, mais je ne veux plus l'entendre parler, je veux l'entendre crier. 1978, place de Mai, Buenos Aires. Nous autres, nous voulons seulement savoir où sont nos enfants, s'ils sont vivants ou morts. On est angoissés parce qu'on ne sait pas s'ils ont froid, s'ils ont faim. On ne sait rien. On est désespérés, monsieur, parce qu'on ne sait plus à qui s'adresser. Les consulats, les ambassades, les ministères, les églises, partout ils nous ont fermé leurs portes. C'est pourquoi nous vous supplions, vous la presse, vous êtes notre dernier espoir. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous, vous êtes notre dernier espoir. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre. C'était Alice Daumont, Que la douleur ne me soit pas indifférente, de Julien Barazer, avec Sonia Masson, Alice Daumont, Thibaut Mulot, Alfredo Astis, Monica Ledesma, Teresa, Aurélien Ozinski, Rodolfo Walsh, et les voix de Laetitia Gutiérrez, Pablo Contestabile, Raphaël Bianciotto, Enrique Morales, Pauline Bolcato. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Pierre Monteil, Lidwin Caron. Assistante à la réalisation, Clémence Bûcher. Réalisation, Michel Sidorov. La douleur, puis l'âge, ont marqué les visages. Mais les folles de mai marchent toujours tête haute. Depuis plus de 30 ans, la ronde obstinée de ces mères de disparus réclame justice. 1977, une junte militaire vient de prendre le pouvoir en Argentine. L'armée procède à des arrestations massives d'opposants qu'elle regroupe dans des casernes transformées en centres de torture. Un jeune officier de marine se distingue auprès de ses supérieurs, Alfredo Astiz, 27 ans. Il s'infiltre parmi les familles des disparus qui se réunissent dans les églises. C'est ainsi qu'il fait arrêter deux religieuses françaises. Alice Daumont d'abord, à la sortie d'une prière, elle a 40 ans. Puis Léonie Buquet, 61 ans. Lorsque le pouvoir civil est rétabli, le fringant officier qui a gagné le surnom d'Ange Blond de la mort est poursuivi par la justice de son pays. Mais une loi d'amnistie le sauve opportunément. C'est la justice française qui le condamne par contumace en 1990. Réclusion criminelle à perpétuité dans l'affaire des deux religieuses. Mais il faut attendre 2003 pour qu'Alfredo Astiz soit placé en détention provisoire dans son pays. Son procès va s'ouvrir demain à Buenos Aires. L'Argentine a apparemment plus peur de ses militaires. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Alice Daumont, que la douleur ne me soit pas indifférente. Nos invités, Gabrielle Laya, sœur d'Alice Daumont, et Éric Domergue, journaliste à La Croix, en poste à Buenos Aires. Deux invités donc aujourd'hui pour parler de ce fragment d'histoire de l'Argentine, l'un des plus sombres bien sûr, les années de dictature, à la fois à la fin des années 70 et jusqu'au début des années 80. Deux invités donc, Gabrielle Laya, bonjour. Bonjour. Vous êtes la sœur cadette d'Alice Daumont, vous êtes allée deux fois en Argentine pour tenter de retrouver le corps de votre sœur, vous y êtes allée en famille, on y reviendra. Et puis notre deuxième invité, c'est Éric Domergue à Buenos Aires. Vous êtes envoyé spécial permanent du journal La Croix. Bonjour Éric Domergue. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, alors nous allons faire une interview à trois, n'est-ce pas? Donc je vais poser des questions à Gabrielle Laya, puis à vous. Et si vous avez envie d'intervenir pendant la conversation, même si je ne vous ai pas sollicité, n'hésitez pas, faites signe à la régie, Éric, et nous vous prendrons au micro. Gabrielle Laya, d'abord racontez-nous ces moments que vous avez vécu en Argentine à la recherche du corps de votre sœur, ce qui aujourd'hui est le plus imprimé dans votre mémoire. Ce n'était pas vraiment à la recherche du corps, mais plutôt à la recherche de l'histoire de notre sœur. Mmh. Ce qui est le plus imprimé, c'est d'avoir rencontré les personnes qui l'ont connue et de réaliser à quel point elle s'est fait proche des gens vraiment les plus pauvres, que ce soit dans le bidonville à la Villa Lugano, où elle a vécu avec eux et vraiment laissant chaque fois... la petite maison qu'elle avait pour aller un peu plus loin, un peu plus bas, vivre avec les Boliviens, partager vraiment le peu qu'ils avaient. Et pour elle, elle dit dans ses lettres que ce n'est pas de la charité, mais que c'est vraiment pour la justice. Que si on a reçu quelque chose, c'est pour le bien de tous. Et que pour elle, c'est partager ce qu'elle a reçu. Et pourquoi ce pays, cette destination, l'Argentine, c'est un concours de circonstances ou c'était vraiment un choix? Non, elle ne l'a pas choisi, c'est l'institut religieux qui l'a envoyé là-bas. Comment avez-vous appris son arrestation? C'est une missive de l'agence France Presse qui nous a appris la disparition d'Alice le 10 décembre 1977, ainsi que de Léonie Duquet. Que vous connaissiez? Qu'elles étaient associées, oui, bien sûr. Vous la connaissez. Alors, et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, quand vous avez appris cette nouvelle, venant d'un pays dont vous connaissiez peut-être la nature du régime, je ne sais pas? Oui, Alice nous parlait à travers ses lettres. En plus, elle était venue en 1975, donc deux ans avant, elle avait pu nous dire quelle était la situation des gens qui l'entouraient. Ce que nous avons fait, on a pris contact avec les ministères des Affaires étrangères, avec les politiques sur place, avec la hiérarchie de l'Église, avec l'Institut des Missions étrangères. Et que s'est-il passé? Parce que j'imagine à quel point ça doit être difficile, à quel point essayer d'avoir des informations, c'est un parcours du combattant, enfin c'est plus que ça même. Voilà, oui. Les personnes qui revenaient n'avaient rien à nous dire, rien à nous apprendre. Elles avaient trouvé des portes closes. Et ce qui est difficile, c'est au début, on croit que, ben, qu'on va pouvoir les retrouver, enfin faire quelque chose pour elles. Et petit à petit, on réalise que très certainement, elle est morte, quoi. Et comment vous avez vécu ces moments terribles avec les autres membres de votre famille? Comment ça s'est passé? J'imagine que la solidarité a été immédiate, forcément. Oui, bien sûr. Oui. Et les démarches nombreuses. Et vraiment, je rends hommage à mon père qui était un monsieur âgé, un paysan, et qui est allé dans tous les ministères à la recherche de sa femme, de nouvelles pour sa fille, de sa fille. Mmh. Et ça pendant bien des années. On a aussi participé à pas mal de manifestations autour de l'ambassade d'Argentine, où étaient présents des gens des artistes, des politiques. Et ça aussi pendant plusieurs années. Immédiatement après la nouvelle de l'arrestation? Assez vite et pendant plusieurs années. Et on vous laissait vous regrouper? Oui, il y avait beaucoup. Il y avait des chœurs de CRS alors qu'il y avait une manifestation de 30 personnes. Hein. Mais... Éric Domergue, je rappelle, vous vivez en Argentine parce que vous y travaillez. Vous connaissiez Gabriel Laya et Léonie Duquet, ces deux histoires? Oui, bien entendu. Bonjour Gabriel, avant tout. Hein. Vous avez très bien raconté quel est le parcours des familles quand on a un proche disparu. Enfin, l'émoi, le désespoir, la recherche, et puis après, on sait qu'on ne va pas les retrouver, non? Éric, pardon, vous coupez, il faut absolument que je précise que votre frère, Yves, a été l'une des victimes des militaires argentins, comme 20 autres Français, hein, c'est important. Et exactement, mon frère Yves, le frère aîné d'une famille nombreuse, et fait partie des 20 Français disparus, victimes de la dictature et du terrorisme d'État. Non, mais justement, je disais que après la recherche, nous, de même que Léonie Duquet, la famille de Léonie Duquet, nous sommes des privilégiés parce que même si on a dû attendre 30 et quelques années, on a pu récupérer les ossements et fermer une étape très difficile. Et Léonie Duquet et Alice Aumont, je les ai connus, pas personnellement évidemment, mais d'après les témoignages de leur famille, et notamment de sœur Yvonne Piron, qui habite toujours en Argentine, qui était très proche d'elle lors de leur long séjour ici en Argentine. Dites-moi Éric, porté disparu dès septembre 1976, les ossements de votre frère Yves ont été identifiés 36 ans plus tard, hein, c'est ça, en 2010? En 2010, exactement. On n'avait aucun espoir, on savait pas du tout où essayer de chercher, parce que c'est une disparition sans témoin, dans une ville qui s'appelle Rosario, qui est à 300 km de Buenos Aires. Et bon, et 34 ans plus tard, dans un petit village qui s'appelle Melinque, qui est à 130 km de la ville de Rosario, j'avais retrouvé en 76 les corps... En très mauvais état, enfin, assassiné de deux jeunes. L'un, c'était mon frère, et l'autre, sa compagne Christine. Et ils ont été enterrés sous X dans ce petit cimetière. Et 34 ans après, les anthropologues, ces fabuleux anthropologues qui nous ont tellement aidés, ont pu exhumer les ossements et puis identifier les corps grâce à cette merveille qui est l'ADN. Comment vivait-on en Argentine sous le régime du général Videla, les manifestations des maires de la place de Mai, les libertés complètement confisquées? C'est la nuit qui est tombée sur ce pays? C'était la nuit, c'était un énorme camp de concentration, c'était la police, les militaires partout, c'était les enlèvements, c'était les corps fusillés dans les rues, etc. Non, c'était vraiment un moment difficile à décrire. Et petit à petit, à partir du mois de... un an après le coup d'État, à partir du mois d'avril 77, les maires qui ont commencé leur ronde éternelle qui continue, non, à la recherche de leurs enfants, de leurs proches. Non, c'était, si vous voulez, c'était la première manifestation de résistance à la dictature à l'époque. Gabriel Laya, il y a ce personnage surnommé l'Ange Blond, les surnoms, c'est toujours un peu ridicule, mais l'ange blond, Alfredo Astiz, qui était vraiment le mauvais génie peut-être de ce pouvoir, enfin qui a pas besoin de mauvais génie lui-même, enfin bon, qui était ce Astiz, qui veut répondre, Gabriel Layard peut-être, ou Éric Dobert, Gabriel Layard voulait répondre. C'est un militaire qui s'est fait passer pour le frère d'un disparu. Donc il a intégré le groupe des femmes de la place de Mai, parce qu'il n'y avait pas que des femmes, il y avait quelques hommes aussi. Et Alice l'aimait beaucoup, elle se faisait du souci pour lui quand elle a été enlevée, elle demandait ce qu'il était devenu. Épouvantable double jeu que jouait ce personnage Éric Domergue. Oui, exactement, c'est ça, hein. C'était un jeune qui s'est infiltré auprès des mères et qui a été aidé par Alice énormément, d'après les témoignages. Mais non seulement il s'est infiltré dans le groupe des mères de la place de Mai, et c'est le responsable des enlèvements de l'église Santa Cruz, et ensuite, deux jours plus le 8 décembre 77, et deux jours plus tard de Léonie Duquet, mais aussi un an plus tard, en 78, il s'est infiltré entre les exilé argentin à Paris. Donc il a vraiment une carrière assez marquée. Mais alors, son histoire est aussi celle de l'Argentine, finalement, celle de cette époque-là, hein, celle d'un jeune garçon devenu militaire, tueur sans remords, quoi, c'est ça, criminel et bourreau. Tout à fait, oui, c'est un symbole. C'est le symbole de l'Argentine de ces années-là. Parlons de l'église catholique à laquelle tous font référence, hein, que ce soit les militaires et les bourreaux et une partie des victimes, comme les sœurs Alice et Léonie. Est-ce que, Gabriel Layard, l'église vous a épaulé dans vos recherches? Comment ça s'est passé? L'église de France, oui, Monseigneur Panafieux, qui était à ce moment-là évêque de Chambéry, je crois, ou Grenoble, est allé en Argentine. Bon, quand il est rentré, il a téléphoné à mes parents. Mais voilà, il n'y avait rien de concret, quoi. Et l'église argentine? Nous, on avait peu à faire avec l'église d'Argentine à ces moments-là. Et Éric Domergue, quel jeu a joué l'église catholique argentine pendant la dictature, déjà? Dans les années de fer en Argentine, on peut considérer qu'il y a eu deux églises vraiment très marquées, non? Une certaine hiérarchie qui bénissait les sabres et a même fermé la porte de la cathédrale au nez des mères de la place de Mai. Et bien sûr, les prêtres et les religieuses victimes de cette dictature, non? On a plusieurs exemples, outre Alice Daumont et Léonie Duquet, l'évêque Angelelli, un prêtre français, Gabriel Longueville, qui était aussi assassiné à l'époque en 76, les pères Palotin qui ont été massacrés le 4 juillet 76 ici à Buenos Aires. Donc il y a plusieurs exemples des deux églises très très très marquées qu'il y a eu à l'époque en Argentine. Oui, parce qu'à l'époque, beaucoup de religieux s'engageaient auprès des pauvres et se référaient à ce qu'on appelle la théologie de la libération. De la libération, exactement. C'était vraiment l'éclat dans toute l'Amérique latine, les années 60 et début des années 70, de la théologie de la libération, exactement. Gabriel Layard, qu'est-ce que vous en pensez? L'église? C'était qui l'espoir, alors, quand vous alliez en Argentine? Auprès de qui reportiez-vous vos espoirs? Non, moi, je suis allée en Argentine en 2010, donc l'espoir, c'était juste que le procès ait lieu pour que nous ayons un peu une part de vérité, quoi. Savoir, par exemple, à quel moment, si on pouvait dater la date de leur mort, si, voilà, des choses comme ça. Hein. Parce que très vite, on a eu des témoins, quand même. Il y a des femmes qui sont venues d'Argentine, qui elles en Suisse, nous sommes allés les voir. C'est des femmes qui avaient vu Alice et Léonie à l'ESMA, à la prison où elles étaient. Donc, il y a des choses qu'on savait dès le début. Hein. Il y a des témoins. Mmh. On a rencontré des témoins. Après, nous ne sommes pas allés avant 2000. Moi, je suis allée en 2007. Je suis allée avec une délégation du gouvernement au moment de la passation des pouvoirs entre les Kirchner, entre monsieur et madame Kirchner. C'était la première fois que j'y allais. Et puis après, nous sommes retournés en 2010 en famille. Et là, nous avons été dans les lieux où Alice a vécu. Que ce soit à la Villa Lugano, que ce soit à Perugoria, ou... Et c'est une sorte de soulagement, voire de thérapie que d'aller sur les lieux? Oui, pour moi, oui. Oui. Éric Domergue, le procès, quel est votre regard sur le procès de ces gens qui ont fait tant souffrir toute une population, ou en tout cas une partie de la population? Ben, c'est nécessaire. Il a fallu qu'on attende beaucoup. Ouais. Parce qu'il y a eu d'abord le procès aux juntes militaires dès le retour à la démocratie en 1985. Mais très rapidement, il y a eu les lois d'impunité et le pardon aux tortionnaires. Donc il a fallu attendre à partir de 2003 le tournant quand le Parlement argentin a annulé ses lois de pardon. Non, et c'est à ce moment-là que s'est ouverte l'étape des procès un peu partout dans le pays. C'était une justice tardive qui continue. Aujourd'hui même, il y a encore beaucoup de procès aux tortionnaires. Et c'est même si c'est tardif, c'est justice, quoi. C'est nécessaire, surtout pour que... Non qu'un masque, plus jamais. Et Gabriel Aya, évidemment, vous avez le même sentiment, puisque vous disiez que vous vouliez retrouver la vérité et la vérité de l'histoire. Oui. Oui. Et Éric Domergue, cette période de dictature argentine, est-ce qu'elle laisse des traces dans l'Argentine d'aujourd'hui et chez les jeunes? Comment on l'aborde? Parce que c'est pas de l'histoire ancienne, hein, entre 76 et 85, bah, ça nous remonte pas très loin, 40 ans. Ben, ça marque toujours pratiquement le quotidien. Tous les jeudis, les maires qui continuent leur ronde sur la place de Mai. Nous venons là, d'assister la semaine dernière au 41e anniversaire du coup d'État et c'était vraiment des manifestations monstrueuses un peu partout dans le pays, notamment à Buenos Aires. Et ce qui est très encourageant et très important, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes dans ces manifestations. Donc, ils reprennent le témoignage. Non, c'est bien, évidemment, c'est les nouvelles générations qui doivent continuer cette recherche de vérité et de justice, et vraiment c'est très important, non ? Malgré un gouvernement actuel en Argentine qui regarde un peu à droite et qui voudrait un peu étouffer toutes ces questions de revendication des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des nostalgiques, alors peut-être pas nombreux, mais des nostalgiques de cette période-là organisée en parti ou en association ou que sais-je encore ? Oui, il y a des nostalgiques, mais enfin, ils courent pas les rues, en tout cas, ils sont pas trop organisés, quoi. Mmh. Il y a bien quelques familles des tortionnaires qui se regroupent et qui, de temps en temps, font un scandale, qui vont aux tribunaux quand il y a des procès. Mais c'est pas flagrant, quoi. Mais il y en a, bien sûr qu'il y en a. Gabriel Aya, toute dernière question, j'imagine que vous pensez souvent à votre sœur, à son courage, à son engagement, ça a changé votre vie, j'imagine aussi, et celle de votre famille, cette histoire. Oui, ça a vraiment marqué ma vie, et je disais tout à l'heure qu'au cours des 40 ans, il y a toujours eu, il s'est toujours passé quelque chose, soit des personnes qui venaient d'Argentine, soit des courriers, soit voilà un documentaire, des films. Dernièrement, donc, un livre qui reprend les lettres d'Alice, un spectacle à Toulouse avec une lecture théâtralisée des lettres, des musiciens, des danseurs. Il y a toujours, et bon, l'émission d'aujourd'hui, oui, il se passe toujours quelque chose. Depuis 40 ans, il y a toujours eu quelque chose. Et ça, c'est un réconfort, j'imagine. Oui, et voilà, pour moi, je suis heureuse de pouvoir faire connaître quelque chose de la vie d'Alice, parce que je pense que c'est une belle vie, un beau témoignage de vie. Donc, je suis contente quand des personnes s'en saisissent, elles font connaître. Voilà, et la font continuer de vivre symboliquement. Oui, hein, oui. Bien. Merci Gabriel Aya, merci également Éric Domergue. Je rappelle que vous nous appeliez d'Argentine, donc de Buenos Aires, j'imagine. Vous êtes basé à Buenos Aires ? Oui, à Buenos Aires, oui. D'accord. Une dernière réflexion, si vous me permettez. Oui, vous en prie. Tout à fait d'accord avec ce commentaire de Gabriel, évidemment, l'importance des témoignages et de pouvoir reconstruire ses vies. Et de souligner que nous sommes en train de parler de deux Français, et d'une vingtaine de Français victimes, qui, à l'autre bout du monde, se sont battus pour une société meilleure en Argentine, et qui sont restés. Mais enfin, leur exemple, vraiment... Je crois que c'est important de les récupérer. Merci encore, Éric Domergue. Au revoir. Merci à vous tous. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Alice Daumont, que la douleur ne me soit pas indifférente. Une fiction écrite par Julien Barazer, réalisée par Michel Sidoroff et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand.